Seigneur, bonjour. Allô? Allô, allô? Allô? ...57 rue de Varennes, de François Perrache. Rue de Varennes. Deuxième épisode. Écoutez, mes amis. Écoutez la suite des aventures de Pierre-Yves Gerland, le Premier ministre français. Il y a quelques heures, en pleine nuit, il a été réveillé pour apprendre la disparition inquiétante de son ministre de la Santé, Jean-Philippe Belansky, pendant ses vacances au Botswana. Ce matin, après cette nuit sans sommeil, le Premier ministre convoque une réunion de crise. Mais avant cela, et nonobstant sa fatigue, il donne une interview à la radio. 9h, dans une minute, on retourne au standard prendre une toute dernière question et c'est la Bourgogne qui nous appelle. Christine de Montbard, me dit-on, est en ligne. Nous vous écoutons, Christine. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour. Donc, ma question concerne le logement. Voilà, je suis maman de deux enfants que j'élève seule. Je gagne 1 200 € net. Je n'ai plus droit à aucune allocation depuis que ma fille est née à 18 ans. Oui, posez votre question, s'il vous plaît, Christine. Oui. Alors, ma question à Monsieur Gerland, c'est que vous avez annoncé des nouvelles mesures fiscales pour les gens qui peuvent investir dans l'immobilier. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites pour les gens comme moi, hein, qui travaillent et qui n'ont aucune aide de l'État? J'attends une réponse pour un logement social depuis 6 ans. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup. On a bien compris votre question. En gros, quelle politique pour le logement social dans les prochaines années? Le Premier ministre vous répond. Merci, Christiane, pour cette question. Christine. La question du logement, de manière générale, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, est une des priorités de l'action du gouvernement. Le précédent gouvernement nous a laissé un bilan catastrophique que nous tentons de corriger depuis 18 mois. Mais on ne pallie, malheureusement pas en un an et demi, 30 années d'incurie accumulée dans ce domaine. Merci Monsieur le Premier ministre, je suis obligé de vous interrompre car il est déjà 9h et puis cette dépêche AFP qui vient de tomber. Une toute dernière réaction s'il vous plaît Monsieur Pierre-Yves Gerland. Je lis, selon le Canard Enchaîné apparaître mercredi, le ministre des Finances Stéphane Joyot bénéficierait d'un logement de fonction de 425 mètres carrés dans un hôtel particulier du 8e arrondissement de Paris. Toujours selon le Canard Enchaîné, cela représenterait un loyer mensuel de 15 700 €. Le journal satirique précise enfin que 125 000 € de travaux y aurait été réalisé, le tout entièrement à la charge du ministère. Est-ce que vous confirmez cette information, Pierre-Yves Gerland? Écoutez, je découvre en même temps que vous cette dépêche. Les chiffres annoncés m'ont l'air bien fantaisistes. Je me permets de rappeler que, me concernant, j'ai toujours refusé de bénéficier d'un logement de fonction, puisque j'ai la chance d'être propriétaire d'un appartement à Paris. J'ai mis le pavillon de la Lanterne, qui est une résidence du Premier ministre, à la disposition du ministère de la Culture, qui va en faire un musée d'art contemporain. Concernant les allégations que vous relayez sur Stéphane Joyot, je n'ai pas d'informations précises, mais j'imagine qu'une fois de plus, il s'agit d'une tentative de déstabilisation d'un ministre qui a toute ma confiance et qui a contribué par son action à diminuer de moitié, hein, je le répète, de moitié notre déficit public. Là encore, il s'agit de petites polémiques journalistiques, mais le cap de mon gouvernement est clair et notre bateau ne va pas tanguer sous l'effet de ce clapotis médiatique. Bien, c'est donc sur cette métaphore maritime que nous nous quittons. Merci Pierre-Yves Gerland d'avoir répondu à notre invitation et aux questions des auditeurs. Merci à vous, merci. Restez avec nous justement, chers auditeurs. On se retrouve, nous, dans une petite minute après une page de réclame, comme on disait dans le temps. Madame Papillon, dit à Monsieur Papillon. Bon, ben merci beaucoup, Monsieur Gerland. C'était une bonne interview, hein, je trouve. Ouais. Enfin, vous étiez moins agressif la dernière fois, non? Là, je pouvais à peine donner un début de réponse que vous sautiez déjà au sujet d'après. T'as pas trouvé, Hakim? Si, évidemment, ça va toujours trop vite. C'est impossible de traiter 6 ou 8 thèmes en 20 minutes, mais t'as été parfait, t'inquiète pas, Pierre. Bon. T'es allé à l'essentiel à chaque fois. En revanche, il faudrait sortir du studio, là. La présidente de Radio France t'attend, je veux te saluer. Oui, je vous chasse pas, mais on reprend l'antenne tout de suite. Désolé, je peux pas vous raccompagner. À une prochaine fois, monsieur Gerland. Oui, c'est plaisir. Ça. Bonne journée. Au revoir. Bon, Pierre, il faut sortir maintenant. Allez, on y va, on y va. Regarde-moi ça, cet enfoiré de Bousquet a déjà réagi sur Twitter. Qu'est-ce qu'elle écrit, cette conne? Fin d'interview laborieuse pour Gerland qui patauge et prend l'eau. Oh, vraiment que ça à foutre. Mais t'inquiète pas, je vais tout de suite publier 2-3 tweets sur ton compte pour marteler les points principaux. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ah, Madame le Président. Monsieur le Premier Ministre, bonjour. Je vous présente toutes mes excuses. J'ai pas pu vous accueillir à votre arrivée ce matin. Mais je suis glissée en cabine pour y noter. Votre prestation était impressionnante de maîtrise. Merci, c'est toujours un plaisir d'être ici. Vous êtes chez vous, Pierre-Yves. Ah, bon, excusez-moi, je dois filer. Bon, merci, messieurs. Au revoir, mesdames. À bientôt. Au revoir. Allez, Hakim, Laurence, on se dépêche. Je vous raccompagne jusqu'au parking. Ça fait partie de mes prérogatives de président. D'ailleurs, comment je dois vous appeler, Madame le Président ou Madame la Présidente? Bon, pour les documents administratifs, je signe Madame le Président. Mais les techniciens et les journalistes m'appellent mon général. Ils disent que je les dirige comme à l'armée, avec la discipline en plus. Alors, j'apprécierais que vous suggériez à vos soldats de se montrer un peu moins agressifs et d'éviter la critique systématique vis-à-vis du gouvernement. Bon, je reconnais que nos journalistes sont parfois assez pugnaces avec les ministres qui passent en studio. C'est leur façon de marquer leur indépendance vis-à-vis des tutelles. L'indépendance, très bien. Il faudrait pas mordre la main qui les nourrit. C'est par ici, monsieur. Hein? Ah bah décidément, je comprendrai jamais comment est foutu ce bâtiment. Je demandais comment vous faites pour pas vous perdre. Moi-même, je me perds tout le temps. Officier de sécu pour escorte, on arrive au parking. Avancez la voiture. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Au revoir, au revoir. Pierre-Yves, sans abuser de votre temps, je serais ravie de pouvoir faire un déjeuner de travail avec Virginie Pinchard et vous. Ça me donnerait l'occasion de vous présenter mes projets pour la radio dans les 4 ou 5 années à venir. Bon, les projets de la radio, j'ai pas du tout l'intention d'y mettre le nez. Virginie est très attachée à ce dossier, voyez ça avec elle. Elle me proposera des arbitrages, je veux pas me la court-circuiter. On me reproche déjà suffisamment de m'occuper de tous les dossiers. Oui, je comprends. Mais si vous aviez une heure... Écoutez, voyez ça avec Laurence, je vous laisse. À bientôt. Bon, Hakim, Laurence, vous montez avec moi, je veux faire un point dans la voiture. À bientôt, donc, Pierre-Yves. Et encore bravo pour l'interview. Vous avez été au top. Merci. Non, mais quelle plaie, celle-là, depuis quand elle m'appelle par mon prénom? Laurence, c'est évidemment pas question de lui filer son déjeuner, j'ai autre chose à faire. Elle va m'appeler 20 fois. Ben c'est ton boulot de faire le chien de garde. C'est acté que son mandat sera renouvelé? Parce qu'elle parle des 4 ou 5 prochaines années. Non, il n'y a rien promis du tout. Elle met le pied dans la porte. C'est de bonne guerre. Elle devrait déjà être contente d'avoir survécu à l'alternance. Son mandat court jusqu'en juin, mais le président l'a à la bonne. Ils se connaissent depuis plus de 30 ans. À propos du président, j'ai reçu un coup de fil de Christian pendant ton interview. On ne fait plus le conseil restreint à Matignon, mais directement au château. Le secrétaire général veut y assister. Merde, mais pourquoi tu l'as pas dit tout de suite? Le président sera là. Mais je sais pas. Bon, alors. À l'Elysée, Michel. Oui, monsieur. Officier de sécu à tout véhicule d'escorte. Changement de destination. On se dirige sur Palais d'Elysée, par les quais, puis Franklin Roosevelt et Marigny. Qu'est-ce qu'on fait pour cette histoire de Bercy? Attends, on va en parler. Mais sinon, j'étais comment? Oh, bien. Bien. Ton attaque sur les polémiques journalistiques me semble contre-productive. Et si je puis me permettre, la métaphore de la barque qui tangue à la fin... Bon, je sais, c'est le premier truc qui m'est passé par la tête. Il m'a pris au dépourvu. Il a essayé de me coincer. Mais d'ailleurs, c'est quoi encore cette histoire de logement de fonction? C'est des conneries, j'espère. Ah bah apparemment non, le canard va sortir un papier très documenté qui désingue le ministre. Laurence, c'est toi qui as mon portable? Oui. Appelle-le tout de suite. Mais quand même pas, c'est con pour se faire payer 100 000 euros de travaux. 125 000, Pierre-Yves, plus 15 000 euros mensuels de loyer. L'article parlerait aussi d'une bonne et d'un cuisinier. Une bonne? Bah, il a 3 gosses. Oh non, mais super, on se bat depuis 6 mois pour faire passer une baisse minime des allocs familiales et lui se paye une bonne aux frais du contribuable parce qu'il a 3 gosses. Ça répond pas, Pierre-Yves, messagerie. Oh, bon, allez, trouve-moi le numéro de son DIRCAB. Comment il s'appelle déjà le nouveau? Forceville, Camille de Forceville. ENA, inspection des finances, un vrai connard, mais il est très bon. Oui, bonjour, Laurence Vignon, l'appareil, conseillère presse de Pierre-Yves Gerland. Le Premier ministre souhaite parler à M. Forceville. C'est de Forceville. Oui, j'attends. C'est de Forceville. Ah, okay. Qui tient. Ok. Monsieur de Forceville, ne quittez pas, je vous passe Monsieur le Premier ministre. Oui, bonjour, Pierre-Yves Gerland. Dites-moi, il est où votre ministre en ce moment? Il répond pas là sur son portable. un congrès des notaires. À 9h du matin, ah bah moi qui me plaignais de mon début de journée. Bon, il faut absolument qu'il me rappelle de toute urgence. Hein. Mais il se passe qu'on a un sale article qui sort dans 2 jours sur le logement de fonction du ministre. Mais oui, il paraît que vous lui payez aussi une bonne et un cuistot. Mais j'en sais rien, mon vieux, c'est vous son directeur de cabinet. Bon, ok. Mais qu'il me rappelle, c'est tout. Non, il était même pas au courant pour le canard, et vous savez ce qu'il me dit, ce con ? Je m'occupe pas du logement de fonction du ministre, c'est le rôle du chef de cabinet. Ah, non, vraiment. Inspecteur des finances typique. Excellent technicien avec le sens politique d'une moule. On arrive à l'Elysée, évitons la cour d'honneur. Je crois que le président a une visite. Il y aura des journalistes. Ouais, fuyons les mouches à merde. Michel, faites-nous rentrer par la rue de l'Elysée. Oui, monsieur, je vois avec la présidence. Officier de sécurité PM pour GSPR. Oui, PM, j'écoute. Demandons autorisation pour une arrivée par la cour Est. Reçu. Mais laissez les véhicules d'escorte de l'Elysée ou alors côté Marigny. Reçu, GSPR. S'il y a des journalistes sur le perron, est-ce que vous pouvez fermer le porche entre la cour d'honneur et la cour Est pour éviter les photos ? Reçu, PM, on s'en occupe. Merci, GSPR. On arrive sur Avenue Montaigne. Bon réflexe, Michel, pour les photographes. Merci, madame. Alors, est-ce qu'on peut être un peu plus discret sur les sirènes et les gyros ? Oui, monsieur. Officier de sécu et sous véhicule d'escorte. On rentre les C6 dans la cour Est. Les autres restent en stand-by à l'extérieur. Voiture 2, vous pouvez entrer par Marigny. Pour les motos au niveau du rond-point, décrochez sur place de la Concorde, puis revenez vous positionner rue de l'Elysée. Les motos GSPM, vous restez au contact. Michel, faites-vous relever, vous avez été debout toute la nuit. Merci monsieur, mais je vous accompagne jusqu'à Villacoublay. Je suis de repos cet après-midi. Je me permets de vous rappeler que votre épouse attend toujours une confirmation pour le déjeuner. Mais je sais, mais qu'est-ce qu'elle croit ? Que je m'amuse ? Bonjour monsieur le Premier ministre. Monsieur le secrétaire général vous attend avec le ministre dans son bureau. Je sais. Bonjour à tous, excusez le retard. Monsieur le secrétaire général. Monsieur le Premier ministre. Tout le monde est arrivé ? Non, nous attendons encore le ministre de l'Intérieur. Mercadal, évidemment, qui se fait désirer comme d'habitude. Bonjour. Ah, Pablo, il est au loupoum. Quoi ? Non, rien. J'étais en train de dire du mal de toi, justement. Encore ? Oui, je disais que le ministre de l'Intérieur est le seul à se permettre d'arriver plus en retard que le Premier ministre à une invitation du secrétaire général de l'Elysée. Je faisais le point avec la DCRI. Assieds-toi. J'allais faire les présentations. En fait, je pense que tout le monde se connaît, à part Antoine Verlaire, mon nouveau chef de cabinet, et Elisabeth Roussel, qui est la DIRCAP de Jean-Philippe Belansky. Ah, c'est à vous qu'on a le plaisir de cette réunion matinale. Pardon ? Votre boulot, c'est de dire au ministre que les consignes de Matignon sont pas faites pour les chiens. Pierre-Yves nous a interdit de sortir de France pendant les vacances. C'était valable aussi pour Belansky. Qu'est-ce qu'il est allé foutre au Botswana ? C'est où le Botswana ? Monsieur le ministre, je ne crois pas utile que vous en preniez Madame Roussel. D'ailleurs, madame, faites-nous, s'il vous plaît, le dernier point sur la situation. Comme je vous l'ai dit, j'ai reçu un coup de fil vers 2h du matin de Véronique Belansky qui m'annonçait la disparition de son mari. Je viens de la voir il y a 10 minutes. Elle est toujours sans nouvelles de lui au moment où je vous parle. Bien. Alors le président m'a demandé de travailler sur le scénario le plus défavorable. Nous avons en particulier besoin de propositions concrètes de la défense pour lancer une opération de recherche. Donc madame la ministre, vous avez des pistes à nous proposer ? Disons qu'on a 3 scénarios possibles. Le premier serait une intervention à partir d'une de nos bases africaines. Malheureusement, notre base la plus au sud est le Gabon qui a plus de 3000 km de Botswana. Le deuxième scénario est une opération montée depuis la France par le COS et les trois... Attendez, le quoi ? C'est agaçant, ces acronymes permanents. Pardon, le COS, le commandement des opérations spéciales. Ah oui. Ouais, le troisième scénario, donc. Une mission autonome de la DGSE. J'ai pris l'initiative de leur demander de monter un dossier d'objectif pour savoir quelle forme pourrait prendre cette opération. C'est bien gentil de vouloir jouer les James Bond en Afrique, mais c'est pas un peu tôt pour envoyer les cow-boys ? Je ne fais qu'établir les moyens mobilisables par le ministère de la Défense. Mais si ça te semble plus pertinent, on peut envoyer la police municipale. Je me permets de te rappeler, Pablo, que nous ne serions pas là si les services de protection gérés par ton ministère avaient rempli leur mission. Ne m'emmerdez pas avec ça. J'ai déjà expliqué à Pierre-Yves que le SPHP a suivi Belansky jusqu'à l'aéroport. C'est Belansky lui-même qui a demandé à pas être protégé. Ça a fait l'objet d'une note qui a été envoyée à Matignon. Du calme. C'est quoi cette note? Tu es au courant, Christian? En fait, oui. On vient de retrouver une note que Belansky nous a envoyée il y a 3 semaines, qui annonçait son départ pour le Botswana. C'est moi qui l'ai rédigée. Le ministre m'avait expressément demandé de suspendre sa protection pendant ses vacances. C'est aussi dans la note... Et on a laissé passer ça. Je ne sais pas qui est le plus con des trois. Jean-Philippe qui se barre à 10 000 km sans protection, sa DIRCAB qui rédige la note, ou le mien qui reçoit ça sans réagir. Et toi aussi, Pablo, tu devais m'alerter. Je t'ai alerté. Tu as eu une note. Tu peux pas laisser un ministre de la République française se balader seul en Afrique pendant une semaine. Non, écoute, t'es mieux placé pour savoir qu'on ne protège pas quelqu'un contre son gré. Quand c'est toi qui veux une protection allégée, je suis obligé d'insister. Mais quand c'est le ministre de la Santé, qui est totalement inconnu à l'étranger et qui va se promener dans un pays relativement tranquille... Alors, qu'est-ce que vous entendez par relativement tranquille, monsieur le ministre? Non, je vous dis pas que le Botswana, c'est la Suisse, mais on n'a aucun problème particulier avec ce pays. Bon, si l'opinion du Quai d'Orsay en matière de relations internationales vous intéresse, j'ai fait préparer une note de synthèse sur le Botswana. Effectivement, ils sont notés de mémoire 6 sur 10 en matière de transparence des institutions. C'est le niveau du Portugal ou de l'Espagne. Et la France, on est noté combien? Oh, on est 7 sur 10. C'est à peu près la note des Émirats arabes unis. Le problème, c'est que le Botswana est totalement hors de notre zone d'influence. C'est une ancienne colonie britannique, donc le mieux serait de solliciter le MI6. Non, non, pas question. Non, le président est formel. Hein, on n'exploite pas les voies diplomatiques. En tout cas... pas les voies officielles, pas question de refaire les mêmes erreurs qu'en Angola, donc aucun contact avec les autorités du Botswana. Et vis-à-vis des Anglais, c'est un enjeu de crédibilité. On doit pouvoir régler ça sans intermédiaire. Soit. Si c'est un enlèvement, on a une idée du niveau de rançon qu'il pourrait demander? Pour un agent, on est déjà monté à 12 millions, je crois. Pour un ministre en exercice, on n'a pas de précédent. On verra ce qu'il faudra. Monsieur le Président. Bonjour à tous. Ils sont restés assis, aussi. Je vous entends brailler depuis mon bureau. Pierre-Yves, c'est toi que je voulais voir. Tu peux venir une seconde? J'arrive. Avancez sans moi, je reviens. Assieds-toi, Pierre-Yves. Alors... Belansky. Rien, monsieur le président. Aucun signe de vie depuis 24 heures. Et nous n'avons aucune piste, aucune revendication. Bon. S'il a été enlevé, on va être fixé très vite. Pierre-Yves, ça reste entre nous, mais autant que tu sois au courant. Bon, je t'en ai pas parlé à l'époque, mais j'ai eu une assez violente altercation avec Belansky en septembre, au sujet des comptes de campagne. Je crois qu'il a pris peur. Il est entré dans une espèce de délire paranoïaque en me disant qu'en tant que trésorier, il voulait pas se retrouver inquiété. Enfin, bref, de fil en aiguille, j'ai fini par le menacer de le débarquer après les législatives partielles. Depuis, il n'a plus évoqué le sujet, mais il a fait montre à mon égard de beaucoup de froideur. Effectivement. J'ai remarqué qu'il est devenu très fuyant ces derniers temps. Ah oui, oui. Moi, je voulais juste t'alerter là-dessus. Belansky est assez fragile psychologiquement, et pour être très clair, je crains surtout que... Oui ? Monsieur le Président, il faudrait descendre sur le perron. Le convoi du président mexicain arrive au niveau de la place de la Concorde. J'arrive, merci. Bon, Pierre-Yves, je te laisse finir votre réunion. Je pars à Bruxelles ce soir, mais tu m'appelles si tu as la moindre information. Bien sûr. À part ça, des urgences? Oui et non. Je pars juste après à Villacoublay, je suis en Bretagne toute la journée. Très bien, il faut continuer à ménager les Bretons. On en aura besoin pour les législatives. Je fais l'aller-retour dans l'après-midi, je dois impérativement être de retour à Matignon avant 19h. On organise une réunion de la dernière chance avec Bercy et les syndicats. Ça bloque toujours sur les hausses de cotisations et sur le PLFSS. Hein. Ah, tu me dis, si tu as besoin, je passe un coup de fil ou deux. D'accord. Monsieur le Président, vous vous attend. Oui, j'arrive. Il peut m'attendre 10 secondes, Pépito. À propos de Bercy, j'ai entendu un bout de ton interview ce matin. Ah. Tu as été très bien. À part justement sur le nouveau coup d'éclat de notre ami Joyau. T'as eu des détails pour son histoire de logement de fonction? Non, je lui ai laissé un message, il doit me rappeler. Surveille-moi ça de près aussi. Bon, j'expédie les Mexicains, et si j'ai fini assez vite et que tu n'es pas encore parti, tu me fais un point sur Belansky quand je sors? Oui, monsieur le président. Rue de Varennes, de François Perrache. Deuxième épisode. Hervé Pierre, Linda Ngazolo, Gilles David, Yannick Chouara, Emeline Bayard, Christophe Gros, Louis-Do de Langzin, Fabienne Lucchetti, Sophie Doll, Alain Rimoux, Grégoire Osterman, Dan Kostenbaum, Gabriel Ledose, Françoise Gazio, Sabine Audepin, Juliane Cor, Vincent Lemette, Lisbeth Arasi-Mornay, et les voix de Florent Houlier, Franck Chevalet, Julien Large, Franck Molinaro, Delphine Léonard et Elodie Fiat. Bruitage, Sophie Vicente. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Remerciements à la SGDL, Société des gens de lettres, pour leur accueil amical. Yes, but why? I just went on told her. Stagiaire, Julie Guichard. Yes, but why? Prise de son, montage et mixage, I just went on told her. Stéphane Desmond et Anil Bosley. Yes, but why? Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Cédric Ossier. It's bad, you know. Asked me why. I just went on told her. She asked me why. I just went on told her.